you wanna come and test me, me, me got to shoot you down. And if you will take me up clone, me a rubber from South Bend. Boom, boom, boom, boom. I'm checking it out. C'est Noël, Jingle Bell. Tout est pareil, y'a rien m'émerveille. J'attends le Père Noël. Il est où? Mon père est sous, j'ai besoin de sous. J'marque des clous, mais reste debout. La vie est dure, structure fondue, famille structure. Compagnie fondée, coupeuse, abus d'allure. Taux de chômage monte à vive allure. Comme le prix de la carte de boss, ça arrive sud. C'est dur, y'a plus rien de sûr. Que j'ai la future les assure. Y'a plus rien qui me rassure. Fact rap sans censure, sans injure, mais avec baveur. Juste pour être sûr que les structures gouvernementales réalisent pour sûr. Soit normal que la vie soit si dure. Check it out. Jingle Bell, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bell, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bell, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Yéhou, le cas. T'as un skidou, quelque chose en 80. Gouvernement, elle est écœurant, on veut de l'argent, du travail, du mouvement. Bon, les étiquettes, mais d'ailleurs, on veut les étiquettes. Made in Québec, je sais que je suis pas un économiste, mais man, c'est pas correct qu'on achète de d'autres pays, ce qu'on peut faire ici. Je sais que Murray on est à maganer le pays, mais il est parti, parce qu'il est temps qu'on shape notre économie. Qu'on se bâtisse, c'est un pays aussi beau que l'Expo 67, aucune corvette 57, avant que le monde perde confiance au Québec à cause de la dette. La dette, man, c'est pas correct. Je suis sûr qu'avec les loteries, les casinos, puis les autres jeux, on peut payer la dette si on veut. Mais bon, joyeux Noël et bonne année aux baveux qui réalisent pas l'enjeu de la mise au jeu. Check it out. Jingle Bell, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bell, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bell, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Yo yo, check le verset, yo. It's real, son. Bah tout ce que je veux, me faire un aveu, c'est qu'on soit heureux, joyeux. Que le monde fasse du cash, que le chômage crash, que le racisme flash. Débarrasse, que la race humaine sème la farce. Qu'une gaz me fasse, une farce, un pack. Tout serait fat, peace and love, sex and hope, no dope, mais c'est pas drôle. J'ai cœur et de la violence, les gars et couteaux qui débalancent. L'adolescence, l'innocence, l'essence de la vie de la renaissance. Sous sa prise de conscience, sa double sens. Ma présente présence à courte échéance. Surtout confiance, dépice à l'audience. Et maintenant, silence. Bring it back. Jingle Bell, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bell, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bell, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. J'attends le Père Noël. Jingle Bell, c'est Noël, tout est pareil, y'a rien mais merveille. Je l'attends plus le Père Noël. C'est un cas, ce gars-là. Il est où?